Apocalypse chapitre 10. Alors je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, environné d'une nuée, sur la tête duquel était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait en sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre. Et il cria à haute voix, comme lorsqu'un lion rugit, et quand il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et après que les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais les écrire, mais j'entendis une voix du ciel qui me disait, qu'achète les choses que les sept tonnerres ont fait entendre, et ne les écris point. Et l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, lequel a créé le ciel avec les choses qui y sont, et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera consommé, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et la voix du ciel que j'avais ouïe, me parla encore, et me dit, va, et prends le petit livre ouvert, qui est en la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je m'en allai donc vers l'ange, et je lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le, et le dévore, et il remplira tes entrailles d'amertume, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai, et il était doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus dévoré, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore à plusieurs peuples, et à plusieurs nations, langues et rois.